Ça va les amigos? Très bien. Et vous savez ce qui est cool vraiment quand tu cherches un sujet de chronique? Rien. Vraiment rien. C'est le pire moment de ma semaine quoi. Et pourtant je suis bénévole chez Flunch. Vraiment je plume les poules pour le buffet volaille passion. Mais je trouve que trouver un sujet de chronique original après 6 saisons, c'est chaud. Systématiquement, je démissionne quoi. De toute façon, Nagui m'a jamais aimé. Alors que par parenthèse, oui, je suis étranger, Nagui, mais je suis ici légalement. Hein. Vous confondez tout. Hein. Vraiment, moi, c'est pas moi votre ennemi, Nagui. Hein. Je sais. Bah oui, mais voilà, c'est pas parce que je suis étranger. Du coup, ce week-end, j'essaie de choper un sujet quoi. Je passe en revue toute la presse, France Info, Libé, Le Figaro, tout quoi. Vraiment, Voici, Détective, Turf Hebdo, le catalogue des promos Leclerc, De Faire Part, la notice de ma tondeuse. Tout, j'ai regardé, tu vois, pour trouver. Péniblement, je finis par trouver une idée de chronique. Genre, j'envoie direct un WhatsApp au rédac chef de l'émission en lui disant ça te va si je parle des sondages. Il me répond Tanguy Pastureau, on a déjà parlé. J'étais à 100 blagues. Dis-moi de quoi Tanguy n'a pas encore parlé. Il a 100 chroniques par mois, sérieux. L'autre fois, mon sujet c'était ma nièce à les oreillons. Tanguy m'a fait déjà dit. Voilà, tu vas déjà faire. Mais cette fois, j'ai insisté pour parler des sondages. J'ai dit au rédac chef, je te promets, j'aurai un angle original, décalé, pertinent. Waouh, j'ai menti. Honnêtement, 0 sur 3. J'étais obligé, j'avais rien en stock quoi. Soit je parlais des sondages, soit je parlais de mon thème astral. Tu vois, dans Horoscope Magazine, ils disaient que j'avais eu des vies antérieures palpitantes. Dans une, j'étais parulé de Carlos. C'est vrai, big bisou, apparemment, c'est moi, j'ai écrit les deux premières strophes. Au fond, moi, je le sentais quoi. En écoutant, je me suis toujours dit putain, on sent ma patte quoi. Vraiment, tu vois. Enfin, bref, les sondages, j'ai un angle quoi. Quand même, il y en a beaucoup quand même, non? Ouais, voilà. Prends ça, Raphaël Enthoven. Mais c'est vrai que il y a trop de sondages. Tout le monde a son baromètre IFOP pour le Monde et France Bleu, et là pour BFM et les Échos, Ipsos pour Footlocker et Hippopotamus. Donc vraiment, t'as l'impression que faudrait arrêter les sondages un an avant la présidentielle. Il y aurait un vrai suspense dimanche, quoi. Là, dimanche soir, TF1, ils ont programmé les Visiteurs. Ils se sont dit, il y a plus de suspense dans les Visiteurs. Mais c'est vrai qu'on se demande si la Fripouille va ken avec Dame Ginette. C'est vrai que, alors que c'est des parcours de vie très différents, la Fripouille et Ginette, vraiment, tu vois. Mais bon, les Visiteurs, c'est pas usuel. Suspect non plus quoi. Là, ça fait un moment qu'on sait que Jacou il va peler le jonc de personne, tu vois. Mais moi, normalement, tous les 5 ans, il y a la présidentielle, je suis en Belgique dans mon fauteuil avec des pop-corn et une vue vous est là. Je suis là, Mélenchon, président, oh, encore raté. Vraiment, tu vois. En tant que Belge, c'est juste un spectacle pour moi, tu vois. Il n'y a pas de vrai enjeu, même si Zemmour y passait, j'aurais pas grand chose à faire pour pas être impacté, quoi. Au lieu de prendre mon Thalys, je le prends pas. C'est réglé, je reste à Bruxelles. Vous allez me dire, si Zemmour y passe, ils vont virer les humoristes d'intérêt. Rien à foutre, c'est ma dernière saison. L'année prochaine, je suis en plein temps chez Flunch. Là, par le contrat, franchement, j'aurais mon propre poulailler. Pour les plumes, j'ai un deal avec France Litry en plus. Dans 2 ans, moi j'ai une Tesla ici, je te le dis. Mais vous, ça peut vous changer la vie, une présidentielle quand même. Sauf que là, ça a l'air tellement plié pour Macron que tu sens que même lui, il est pas motivé par sa propre campagne. Quoi. L'autre jour, chaque jour, il prend son téléphone en mode hey, comment ça va aujourd'hui, Vladimir? L'autre, il fait bah bien, depuis hier, pas mal. Tiens, au fond, t'as vu les dernières séries drôles sur Netflix? Eh ben, figure-toi, moi je suis pas très stand-up, mais là je trouve que les personnages sont vraiment attachants. Sûr, ils s'appellent une heure et demie par jour, c'est sûr qu'ils se parlent de leur série préférée. Au début, Macron il a dit ah, Vladimir, je peux te parler de l'Ukraine. Poutine il a dit bah non. Et donc là, ils s'en sont échangés leur code canal, quoi. Tu vois, c'est sûr. Macron il dit que c'est gagné d'avance. Du coup, les Français aussi, à force de voir qu'il est au-dessus de 25% depuis 6 mois, les gens ils sont. C'est qu'il est digne de confiance, Macron. C'est comme quand tu commandes des nouilles sur Uber Eats. Tu vois que le roi de la nouille il est coté 4,7, tu dis bah c'est que c'est des bonnes nouilles. Bah, tu fais même plus attention à ce que proposent d'autres restos du quartier, genre à la petite nouille. Ah bah alors que si ça se trouve, à la petite nouille, c'est plus frais. Prends Anne Hidalgo par exemple, pour évoquer quelqu'un dont Tanguy parle pas souvent. Sérieux, je crois qu'il est in love, c'est pas possible autrement. Franchement, il refoule le truc, c'est pas possible. Et get a room quoi, franchement. Tanguy, sérieux, bah, Anne Hidalgo sur Uber Eats, à cause de sa note, plus personne regarde son offre de nouilles. Bah, c'est vrai, les sondages ça renforme le conformisme en fait. Et en général, les seules petites surprises que t'as avec les enquêtes d'opinion, c'est en faveur de l'extrême droite, tu vois. Jamais Yannick Jadot il aura 45% dimanche soir avec les gens qui vont faire on n'osait pas le dire au téléphone. En général, c'est le score de l'extrême droite qui est sous-évalué parce que les gens qui assument pas d'être racistes pendant les enquêtes téléphoniques, tu vois, ils appellent qu'est-ce que vous pensez des arabes, on aime bien, et le dimanche soir t'es la surprise, on aimait pas tant que ça. Mais sinon, dimanche ce sera sûrement Macron-Le Pen, mais le véritable gagnant ce sera Montjoie Saint-Denis. Allez, bonne émission.